fiche plat punition. Tu es ici chez toi de toute façon. Aime trop de mort, trop de victimes. Oh, Dieu, donne-moi la raison si elle existe. Orphelin, nous sommes Satan, c'est en bas l'édifice. Une chose dans ce monde matrice. Ouais, ouais, ouais. Crier sans défense devant la souffrance. Pleurer sans cesse dans la détresse. Moi, las, crier bon Dieu. Moi, las, relais en moi. Moi, las, tout juste arrivé. Ouais, ouais, ouais. Crier sans défense devant la souffrance. Pleurer sans cesse. Ouais, crier bon Dieu. Ouais, là, serrez-les en moi. Ouais, là, ton jour s'arrive. Ouais, ouais, ouais. Donne-moi ta peur. Donne-moi ta peur. Donne-moi tes âmes. Donne-moi tes âmes. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Donne-moi tes larmes. Donne-moi tes larmes. Donne-moi ta peur. Donne-moi ta peur. Donne-moi tes âmes. Donne-moi tes âmes. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Donne-moi tes larmes. Donne-moi tes larmes. Je te comprends pas. Je te comprends pas. Toute chose dans ce monde matrice. Aime trop de morts, trop de victimes. Oh, Dieu, donne-moi la raison si elle existe. Orphelin, nous sommes Satan, c'est en bas l'édifice. Toute chose dans ce monde matrice. Ouais, ouais, ouais.